بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 8. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، انتهينا ولله الحمد من صفة العمرة. On a expliqué ولله الحمد، on a détaillé قليلا. والخلاصة، on résume avant de commencer صفة الحج. الخلاصة أن العمرة على des piliers، أركان العمرة. Et ces piliers sont de trois. Al-Ihram, Wat-Tawaf, Wat-Sa'i. Kadhalik al-Adewajibat. Al-Ihram min al-Miqat, on avait dit, et Al-Halqa wa al-Taqsir. Al-Mu'tamir, quand il arrive au Miqat, il se met en état d'Ihram, comme on avait cité en détail. Il s'habille Al-Izar wa al-Rida. Et il s'écarte Mahdurat l'Ihram qu'on avait détaillé. Et il se couper les cheveux, se raser, etc. Mettre du parfum, se tailler les ongles. Al-Jima'a. Tout ça, il s'écarte Mahdurat qu'on avait détaillé. Et yuhil bil-umra. Il dit labbaik Allahumma bi-umra. Fahiyad al-hal, il est en état d'Ihram. Il se dirige, bien sûr, on avait dit de son miqat. Et nous, on avait expliqué, pour ceux qui viennent min al-Madinah, et il passe par Dhul Hulayfa et il se dirige en direction de Mecca. Quand il arrive à Mecca, il rentre au Masjid al-Haram et il fait le tawaf qu'on a détaillé, 7 tours. Il commence par la pierre noire, il finit par la pierre noire. Thumma, il se dirige en direction de Maqam Ibrahim, il fait 2 rak'at. Naam. Thumma, il revient à la pierre noire. Thumma, il va faire As-Safa ou Al-Marwa. Il commence par Safa, il finit par Al-Marwa. Thumma Al-Halq ou Al-Taqsir. Et on avait dit que si Al-Hajj c'était proche, Al-Afdal c'est Al-Taqsir. Il ne se rase pas à blanc. Il diminue faqat. Hatta il peut se raser. Il a des cheveux pour se raser pour Al-Hajj. Et si un temps assez long pour que ses cheveux reposent, فالأفضل c'est الحلق كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait دعاء pour المحلقين اللهم ارحم المحلقين. هذا خلاصة ما أخذنا من الدروس، bien sûr avec des détails ولله الحمد مسائل des أدلة من الكتاب ومن السنة avec كلام أهل العلم. Et à partir d'aujourd'hui on commence في صفة الحج. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أولا تقدم معنا فضائل الحج والعمرة. On a vu ensemble les bienfaits, les mérites du حج et de la عمرة. ومن هذه الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. Et plusieurs fadaïls qu'on a cités au début des doros fil umrah. Kadhalik, on avait cité arkan al-umrah. Et on les a répétés l'an au début du dors. Arkan al-hajj, c'est les mêmes. Arkan al-hajj, c'est les mêmes que arkan al-umrah. Sauf que tu rajoutes al-wukuf bi-arafah. Et ça, c'est muhim, comme on avait expliqué. Les piliers de al-hajj. Lianna la yassih al-hajj illa bihadi al-umur. الإحرام والوقوف في عرفة والطواف طواف الإفاضة والسعي. Tout ça c'est أركان الحج qu'on va détailler. أما الإحرام والسعي والطواف on a détaillé ولله الحمد on détaillera نحن الوقوف في عرفة. كذلك on avait cité شروط العمرة et c'est les mêmes pour الحج. الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة. Tout ça, ولله الحمد, on l'a détaillé dans les doros au début al-muqaddima fi manasik al-umrah. كذلك on avait cité wajibat al-umrah. On avait cité al-miqat min al-ihram min al-miqat wa al-halq ou al-taqsir. Al-hajj, il a des autres wajibat qu'on détaillera inshallah ta'ala. Parmi ces wajibat al-mabit bi muzdalifa, كذلك الرمي رمي الجمار كذلك طواف الوداع الإحرام من الميقات على السيتي etc. قال الشيخ محمد ابن حزام حفظه الله تعالى من كان متمتعا في الحج فإنه يهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية. Donc, le huitième jour de Dhul Hijjah, t'as fini ta umrah, et t'es halal, t'es pas en état d'ihram. Ce huitième jour, si tu veux accomplir le hajj, tu dois te remettre en état d'ihram. Qala wa yustahab lahu qabla al-ihram min al-ghasl wa at-tatayyib ma dhakarnahu fi sifat al-umrah. Bien sûr, tout ce qu'on avait détaillé pour l'ihram, pour la umrah, c'est valable ici. Annahu, il se lave, il se parfume, etc. Qala wa yatajarrad min thiyabihi wa yajtanib mahdhurat al-ihram. Donc, il remet les vêtements pour l'ihram, l'izar ou rida, et il enlève tous les vêtements qui sont cousus, façonnés pour la partie d'un membre. Tout ça, il enlève comme on a expliqué. Et il se remet en état d'ihram. Et tout ça, taqaddam. قال ويكون ميقات المتمتع هو ميقات المكان الذي قام فيه بعد عمرته. Vous vous rappelez que pour l'umra, on avait dit, pour Ahl al-Madina, matalan, ou ceux qui viennent min jihatihim, c'est Dhul Hulayfa. Pour Ahl al-Yaman, on avait dit, c'est Yalamlam, etc. Amma pour al-Hajj al-An, t'as fini l'umra, فالميقات قال ميقات المتمتع وميقات المكان الذي أقام فيه. Pour le متمتع, celui qui a fait l'umra et qui va faire le hajj, son ميقات c'est Oukida. Si t'es à Mecca, dans ton hôtel, مثلاً, tu te mets en état d'ihram depuis cet endroit, ton hôtel. Ou dans une maison ou autre. المهم, مكان الذي تقيم فيه. قال فإذا أقام بمكة أهل بمكة وإن أقام بالمدينة أهل بذي الحليفة. Si il est retourné à la Medina, et ça arrive, il a fait l'umra, il est venu de la Medina, il est venu à Mecca, il a fait l'umra. ثم la période elle était assez longue. Il est reparti à la Medina et il veut faire le hajj. Enfin, quand il veut venir pour faire le hajj, il se met en état d'ihram min dhil hulayfa. ثم il vient à Mecca, ثم il va à Mina, comme on va expliquer, il commence le hajj. فيقول, il dit, quand il se met en état d'ihram, on avait dit, se mettre en état d'ihram, c'est pas changer ses vêtements, se laver, etc. Là, se mettre en état d'ihram, c'est un niya. Niya t'nusuk, tu te mets, t'as l'intention de faire le hajj. فتقول, labbayka Allahumma bihajj. Ou labbayka hajjan. Non. Je formule cette phrase, et à partir de ce moment, t'es en état d'ihram. Tout ce qui était interdit pour l'umrah, min al-halq wa taqsir al-sha'r wa at-tib, etc., tout ça, ça redevient interdit, li annaka t'es muhrim. Qala al-allama, al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, fi sharh manasik al-hajj wal-umrah, qal wa la haja ila an yadhhab ليحرم من المسجد الحرام. فهذا تنبيه مهم لأن بعض الناس ربما يبنس que faire se mettre en état d'ihram من المسجد الحرام c'est أفضل. Et ça, il n'y a aucun دليل على هذا. قال الشيخ أو من تحت الميزاب. الميزاب هو الذي يستخدم لتصريف الماء أو المياه. Il est أعلى الكعبة. C'est comme un tuyau pour évacuer l'eau de la Kaaba. Et بعض الناس ils ont un اعتقاد ان se mettre en état d'ihram هناك c'est افضل. وقال الشيخ كما يذكر في بعض الكتب فهذا مما لا اصل له. هذا الشيء يا اوكا اصل يا اوكا فوندمون على هذا.

tu es dans ton hôtel, tu te diriges en direction de Mina. Et c'est pas loin de Mecca, c'est à côté. قَالَ وَيُسْتَحَبْ لَهُ أَن يُصَلِّ الظُّهْرُ فِيهَا ثُمَّ يُقِيمْ فِيهَا فَيُصَلِّ فِيهَا الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبْ وَالْعِشَى وَالْفَجْرِ. Donc, tu te diriges vers Mina. Ça sera avant le dhuhr. Tu arrives à l'heure du dhuhr, et c'est ça le mustahab, tu fais salat dhuhr hunak. Bien sûr, on va voir d'oraka. Les salats où il y a 4 raka, il les fait en 2 raka. Sans faire de jama. Ça veut dire que tu fais dhuhr à l'heure d'oraka. Avec le jama'a. Il y a un musalla hunak ou un masjid, et il y a du monde. Donc tu feras salat avec le jama'a 2 raka de dhuhr. Thumma, salat l'asr, 2 raka à son heure. Thumma l'maghrib, 3 raka. Thumma l'isha, 2 raka à son heure. Sans faire de jama'a. Thumma al-fajr. C'est ça la sunna le premier jour. Fal-an du dhuhr, du 8e jour, jusqu'au fajr, du 9e jour, t'es à Mina. Qala. قال يقصر الرباعية من غير جمع وهذه الإقامة بنا وهذه الإقامة بمنى من سنن الحج ومستحباته ومن تركها فقد ترك سنة وحجه صحيح. فهذا الحكم أن هذه الإقامة بمنى من السنن مستحب c'est pas obligatoire. فمن ترك هذه السنة son حج صحيح. On va voir l'essentiel pour qu'il soit sahih, c'est qu'il assiste à Arafah. Amma s'il a manqué le début, amma s'il a une raison, fa yaqullah azza wa jalla, comme on a cité le verset, fattaqullah mastata'tum. Et ça doit pas le, il doit pas croire que son hajj il est batil et il renonce. Là, il faut qu'il assiste à Arafah et il continue, son hajj il est sahih. Parce qu'il y a une excuse, il y a une excuse, ça peut arriver. Un retard dans les transports ou. Ou il était malade, il est tombé malade, ou min l'azar al-ma'ruf. Lakin celui qui n'a pas d'excuse, fala la yambarila, il délaisse ce khayr. T'es parti que pour ça, fala imada tu délaisserais. Walillah alhamda al-muslimoun, qui vont hunak pour faire al-hajj, walillah alhamda yastabiqoun. Ils sont motivés, walillah alhamda, ils se pressent pour aller à Mina, farihin. Et هذا c'est المعروف لله الحمد. الدليل على هذا حديث جابر رضي الله عنه الطويل. On avait dit c'est une référence في مناسك الحج والعمرة. Selon حديث جابر, il raconte le حج du prophète صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فسيسا السنة. قال وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية قال بمنى. Donc on a cité ce hadith, hadith Anas et hadith Jabir, pour bien montrer que la sunna c'est de faire dhuhr fi Mina. حديث عائشة رضي الله عنها يا حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها elle s'est retardée et elle a pas fait الصلاة الظهر في منى لكن elle avait عذر والله تعالى أعلم. فالسنة السنة c'est ce qui est cité في حديث جابر et حديث أنس أنك تفعل الظهر في يوم الثامن اليوم الثامن من ذي الحجة تفعل الظهر في منى. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع إذا خرجوا يوم التروية إلى منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وهذا لا خلاف فيه والسنة أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع ليلة التاسع لأن ست نويس التاسع. ونبه أنا بعض إخوان ربما ils ont l'habitude de compter avec autre que les que la méthode arabe. Ta'lamoun anna la méthode arabe et bien sûr le calendrier de l'Hégire c'est hakada anna le jour la nuit elle est avant le jour. Fa mathalan demain on est mercredi. Demain on est mercredi à partir du fajr jusqu'au maghrib qad Muqaddir, on donne un exemple, on est le 8 de Dhul Hijjah. Enfin, demain, le 8 de Dhul Hijjah, c'est du Fajr jusqu'au Maghreb. À partir du Maghreb, on est le 9. La nuit du 9. Enfin, la nuit, elle est avant le jour. Enfin, la nuit du 9, elle commencera demain au Maghreb. Et après-demain au Fajr, ça commencerait la journée du 9. Hada mafhoum ? Hada c'est muhim. Hatta tu comprends kalam ahl al-ilm. On répète l'an kalam al-imam al-Nawawi qal wa hada la khilaf fihi wa sunnah an yabitu bi Mina laylat at-tasi'. Donc t'es arrivé à Mina al-dhuhr. T'as fait dhuhr deux rak'a, thumma t'as fait l'asr deux rak'a. Chaque salat a son temps. Thumma t'as fait le maghrib. Quand tu fais le maghrib, t'es rentré dans la nuit du 9. Thumma t'as fait l'isha, t'es dans la nuit du 9. As-sunnah, c'est que tu dors jusqu'au fajr. Cette nuit que tu vas dormir, c'est le 9. Qala wa hadha al-mabit sunnah laysa bi rukn. Naam, c'est pas obligatoire, c'est pas un pilier. Qala wa la wajib. Naam, ça c'est important de savoir, on répète comme on avait expliqué à nos frères dans les premiers durous, quand l'ulama il cite anna hadha shay sunnah, c'est pour que tu comprennes anna si tu manques, fala shay alayk. T'as pas fait un dhamm. T'as pas de fidya, t'as pas de tauba à faire, t'as pas un amal à rattraper là. L'anna c'est pas obligatoire. Ça veut pas dire que quand ils disent c'est une sunnah, anna on doit le laisser là. Là, belle, on doit s'entraider, faire des efforts pour appliquer la sunnah. La sunnah fiha khayr. Qala falaw tarakahu fala shay'a alayhi. لكن فاتته الفضيلة هذا إلى نبه رحمة الله عليه فلو تركه فلا شيء عليه celui qui manque هذا المبيت فلا شيء عليه لكن il a manqué une fadila عظيمة une récompense عظيمة قال وهذا الذي ذكرناه من كونه السنة لا خلاف فيه ساس بالإجماع نقله أو نقل الإمام النووي عدم الخلاف في هذه المسألة ثم قال الشيخ محمد وفقه الله ثم يستحب للحاج أن يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. Donc la journée du 8 tu l'as fait à Mina. La nuit du 9 t'as fait le maghrib ou l'isha, isha de raka, t'as passé la nuit à Mina. Al fajr tu le fais à Mina. ثم tu attends que le soleil se lève, طلوع الشمس, ثم tu prends la direction de عرفة. قال ثم يستحب للحاج أن يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع ويلبي بالتلبية نعم il est toujours en train de dire la talbiya قال المعروفة وإن شاء كبر فقد قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر أو فلا ينكر عليه قال ويكبر منا المكبر فلا ينكر أو ولا ينكر عليه هذا t'as le choix, tu peux faire le talbiya, tu peux faire le takbir et لا ينبغي الإنكار على من فعل هذا أو هذا كما في حديث أنس في الصحيحين قال ولا يجوز تحري التلبية جماعيا بصوت واحد فإن ذلك من المحدثات تقدم معنا في صفة العمرة نعم. Ne pas dire les afkar en groupe, que ça soit le tekbir, que ça soit talbiya ou autre. Chacun y récite ou y dit ma huwa mashru' et dans tout seul. Wa yarfa' sawtahu. Yarfa' sawtahu, lakin at-tahri ay le fait de volontairement vouloir faire tous ensemble, ça c'est min al-bid'a wa al-muhtathat. Wa dalil Anas yadul 'ala hadha. Il y en a certains d'entre eux faisaient le takbir et certains d'entre eux ils disaient at-talbiya. Ça montre qu'ils ne faisaient pas un dhikr bi sawt wahid, ils disaient tous la même chose. Là, il y en a le dhikr, ce n'est pas le même, donc ils ne peuvent pas le dire en même temps. Voilà. Qala wa yustahab lil hajj an yusalli adh-dhuhr wal 'asr jam'an wa qasran fi masjid Namira. Naam. Donc, il se dirige direction Arafa. Il dit talbiya, etc., comme on a expliqué. Lakin, yustahab, il y a une sunna avant d'arriver à Arafah, annahu, il fait salat. الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد النمر. Et c'est le grand masjid, il est ma'rouf hunak, c'est dans lequel l'imam, le mufti, waffaqahullahu ta'ala, li kulli khayr, il fait sa khutbah, et thumma, tu te rends en direction de Arafat. Qala wa qasran fi masjid Namira, ba'da an yasma' khutbat al-imam fi, thumma yansarif ila al-wukuf bi Arafat. Tout ça, c'est cité dans hadith Jabir radiyallahu ta'ala anhu. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم il explique حديث جابر قال السنة أن لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس. Donc ça c'est مهم. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter, il y en a في الحقيقة t'as le temps. Tu dois bien أنت comprendre أن في الحج أو في العمرة أو autre, si tu appliques la sunna, t'auras le temps de faire la ibadah. Ce qui fait du mal, c'est al-jahl. Ce qui fait du mal, c'est le bid'ah, al-khurafat. C'est ça qui te fait, pourra te faire perdre ton temps. بعض الناس الآن ربما يفون دي بدعة دي خرافات في الحج أو في العمرة, et ils n'arrivent pas à accomplir certaines sunnah. Il a plus le temps. C'est normal. Il fait des amal qui sont pas légiférés. Enfin, ça lui fait perdre son temps. Amma أنت الآن, si tu appliques sunnah, tu fais le fajr في منى, t'attends طلوع الشمس, tu te rends direction Arafat. Tu passes par Namira, tu fais ce soir-là, Inch'Allah, tu auras le temps. Léana, tu vas arriver tôt, tu trouveras ta place dans le masjid, tu fais salat jama'a, dhuhr et l'asr en même temps. Al-Mufti, hafidhahullah ta'ala, il fait son discours, t'astafid. Léana, c'est un alim min al-ulama. Fasa t'astafid min hudit. Et ensuite, tu vas direction Arafat. Tout ça, tu auras le temps, Inch'Allah ta'ala. Fala, la t'asta'adil. La t'asta'adil. Vouloir prendre de l'avance, ou la. Suis sunnah. Tu trouveras de la baraka dans ton temps, Inch'Allah ta'ala, et barakat l'ajr. Tu trouveras, bi'idnillah, yawm al-qiyamah, des hasanat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas. Qala wa hadha muttafaqun alayh. Ay, annahu kitmina, après tolu' al-shams. Et méditez bien sur le kalam là, sur les ahadith, sur kalam ahl al-ilm. Qal, hatta tolu' al-shams. Il n'a pas dit Ba'd al-Fajr. Quand tu fais Salat al-Fajr, il y a un temps pour que le soleil se lève. Le soleil ne se lève pas directement. Par Obama, ça sera 45 minutes, 50 minutes, une heure. Ça dépend des endroits. Mais plus d'une demi-heure. Donc, t'attends. Là, t'est-à-dire. Il ne faut pas comprendre ce kalam. Ba'd al-Fajr. Là. Ba'd tolu' al-Shams. Et c'est différent. وقال الإمام النووي, il explique hadith. Jabir قال وأمر بقبة. تضرب له بنمرة قال فيه استحباب النزول بنمرة. نمرة c'est cet endroit qui fait pas partie de Arafat, لكن c'est collé à Arafat. C'est l'endroit où il y a le grand masjid. قال من منى لأن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد الشمس أو إلا بعد زوال الشمس. نعم. كذلك et ça c'est un تنبيه طيب de la part de l'imam النووي رحمة الله عليه أن السنة c'est que t'arrives à Arafat après الزوال. Donc, si tu as quitté Mina après Tolu' al-Shams, tu as fait le Fajr, tu attends Tolu' al-Shams, Ashruq, Thumma, tu te diriges Namira, Masjid Namira. Tu vas arriver dans la matinée, tu restes là, Thumma, à l'heure du Dhuhr, l'imam il va faire Dhuhr et l'Asr en même temps, ou Dhuraka, Jam'an, Aqsud, Thumma, si tu respectes هذا الترتيب, Thumma, tu écoutes le khutba, tu vas te rendre à Arafat obligatoirement après le Dhuhr. Et tu auras appliqué la Sunna. قال لأن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا فالسنة أن ينزل بنمرة فمن كان له قبة ضربها. هذا كما جاء في حديث جابر. وقال كذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع أما الكلام كما يتستي précédemment c'est من شرح صحيح مسلم شرح حديث جابر أما هذا c'est من المجموع كتاب مفيد جدا للإمام النووي. قال إذا فرغوا من صلاتي الظهر والعصر فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف. فكنت تفيني أخي الكريم الصلاة الإمام إلى فاسن سخطبة إلى في الظهر دركعات العصر دركعات قصرا وجمعا un adhan et ils font deux iqama. Deux rak'at, aqsud al-duhur, al-taslim, thumma al-muadhdhin yghfil iqama, deux rak'at pour l'asr, thumma al-taslim. Quand tu as fini hada, fa mubashara, idha faragu min salati al-duhur wal-asr, fa sunna an yasiru ila al-hal ila al-mawqif. Tu te diriges directement en direction de Arafah. Et c'est à côté. قال ويعجل المسير وهذا التعجيل مستحب بالإجماع. هذا سين سنة في هذا الحال ده ساكتيبي. قال ويعجل المسير. مسير سلام مارش. فتش مارش plus vite pour arriver à عرفة. فالسنة كما قلنا فيها خير وبركة. النبي صلى الله عليه وسلم nous a tout montré مناسك الحج والعمرة. Il y a des endroits où tu dois te précipiter. Précipite-toi. Il y a des endroits où tu dois attendre. Attends. Il y a des endroits où tu dois pas. Tu ne dois pas aller dans tel moment, tel endroit. N'y va pas. Il y a des endroits où tu dois faire tel nom. Matalan tawaf cette fois. As-sa'i cette fois. Enfin, respecte hadith umur. C'est ça le dîn. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous démontrer hadith umur. Enfin, on respecte hadith. Fait le hadith ou fait le hadith? Mas'ala. Man fatathu salat ma'al imam fi masjid Namira. Et ça, ça arrive. Ça arrive, imma ziham, imma shay akhar, muhim ila udr, et il ne fait pas salat ma'a l'imam fi masjid Namira. Le masjid, donc le mufti, il donne son discours. Qala al-imam al-albani rahmatullah alayhi, wa man lam yatayassar lahu salatuhuma ma'a l'imam, ay al-dhuhr wal-asr. Le 9e jour, on est l'un. On est le 9e jour, le jour de Arafah. قال فليصليهما كذلك وحده او مع من حوله من امثاله. نعم سير توسل في الصلاه توسل اي في القصر والجمع كما بسيتي الدليل حديث ابن عمر من سير توسل اي في دو ركعات يسلم ثم اي في دو ركعات العصر يسلم سي ا دو موند avec lui qui n'ont pas fait as-salat كذلك et n'ont pas pu faire salat مع الامام فايفون جماعه اي فون صلاه ensemble. فصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين الظهر والعصر وهو منفرد كما في مصنف ابن أبي شيبة كذلك الإمام البخاري لا سيتي معلقا. ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة. Après tout ça, الآن تدغمي أمينة تفر فجر أمينة t'as attendu que le soleil se lève, t'es parti en direction de عرفة, tu t'es arrêté مسجد نميرة, t'as fait الصلاة, t'as écouté le khutbah, etc. Tu te rends à Arafah. قال الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. قال فلا يجوز للحاج تفويت الوقوف بعرفة. نعم. Ça c'est الركن الأعظم. C'est le pilier le plus important. فلهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. Ça c'est le amal le plus important fil hajj al wuquf bi arafa fa iyyak wa iyyak de manquer ce jour si tu es هناك. Et ça arrive, ça arrive. بعض الناس ربما جهل يغطون مكة, ou ils sont fatigués, ils vont dans un endroit où ils pensent qu'ils peuvent rattraper جهل fa iyyak. Et tu نصح les gens, si tu dans ton groupe une personne ربما elle pense qu'elle peut rattraper هذا اليوم ou c'est pas obligatoire ou تنصحه أن الحج c'est عرفة. S'il manque هذا الوقوف, il n'a pas de حج. حجه il est باطل, il est obligé de le refaire si c'était حجة الإسلام. قال ويسقط الركن بالوقوف بعرفة ولو وقتا يسيرا, même un temps minime. Si il est parti à Arafah, bien sûr dans la période légiférée qu'on va voir, et il est resté à Arafah même un temps minime, façon hajj il est sahih. Bien sûr s'il continue après tous les arkan. Naam. Fala bud yaqif fi Arafah walaw waqtan yasira. Qala li hadith Urwa ibn Mudarris radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lah man adraka ma'ana hadhihi as-salah, yani bi Muzdalifah, قال وأتى عرفات, قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui assiste au موقف عرفة فصن حج إلى صحيح. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام نقدام رحمة الله عليه في المغني قال الوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا. إجماع العلماء أن الحج لب صحيح كسي الحاج إلى سيست أسموقف ولو وقتا يسيرا. يعني نوت حديث كذلك ونلسيت عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. Il était مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة. فإلى lui a demandé أو فجاءه نفر من أهل نجد. أي un groupe de personnes ils sont venus من نجد. فقالوا يا رسول الله كيف الحج. Ce groupe de مؤمن صحابة من نجد ils sont venus et ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم كيف الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. Il leur a démontré أن الحج c'est عرفة. Et si tu assistes à Arafah, ton hajj est valide. Si tu n'assistes pas, ton hajj il n'est pas valide. قال فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع المراسب مزدلفة قال فقد تم حجه. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. الشيخ مقبل رحمة الله عليه لا صحح في الجامع الصحيح. فالحديث ثابت والشاهد منه الحج عرفة. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يبدأ زمان الوقوف. كلام الآن اللي مهم. Pour récapituler ce qu'on a dit الآن. الآن الحج c'est عرفة. T'es obligé d'assister. ولو وقتا يسيرا. لكن il y a une période. Il y a un début et une fin. فأvant الوقت. الوقوف il est pas صحيح. Et après il est pas صحيح. Donc celui qui manque cette période. فلا حج له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. قال يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة. Donc ça commence à partir du زوال. Alors زوال c'est الظهر. يوم عرفة أي le 9 de Dhul Hijjah. Un jour après Mina. Ça commence cette période. قال ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم العيد. ليلة يوم العيد c'est le 10e de Dhul Hijjah. Thomas, le jour du dixième, ça sera tous les a'mal, at-tawaf, qabla dhalik, an-nahr, etc. Donc, à partir du neuvième jour de Dhul-Hijjah, waqt zawal al-duhur, jusqu'au fajr. Donc, toute l'après-midi et toute la nuit. Hada, c'est ça, waqt arafa. Il y a un khilaf fi al-waqt al-ibtida'i, ou ba'duhum yaqul, ويستدلون بحديث عائشة أنه سكمص الفجر لأن في الحديث أن حديث عائشة أو حديث ابن مدرس ينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا démontré أن الوقوف في عرفة ليلا أو نهارا. النهار سكمص à partir du فجر. نعم هذا بعضهم يديز الظهر بعضهم يديز الفجر. أما celui qui sort من هذا الوقت فإلا قد حج. On répète كلام شيخ عبد المحسن قال يبدا زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفه. On a dit هذا في خلاف. بعضهم يدي ça commence من الفجر. قال ويمتد الى طلوع الفجر من ليله يوم النحر لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه. اما النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقف après الزوال. هذا الافضل. هذا الافضل نحن on reste على هذا. Le waqt, ça commence waqt al-zawal et ça se termine al-fajr, le jour d'après, le dixième jour de Dhul-Hijjah. Tanbihun, Cheikh Abd al-Muhsin, hafidahullahu ta'ala, قال وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة. Et ça c'est مهم. Tu trouves بعض الناس ربما يبتعد. تعلمون أن عرفة هناك ils ont mis des panneaux, des alamat, des signes pour te montrer que tu es à Arafah. Donc il faut faire attention à Akhil Karim de ne pas sortir de Arafah. Li'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-hajj 'Arafah. Fa celui qui est waqif et il n'est pas à Arafat, voilà, ou de quelques mètres, son hajj il n'est pas sahih. لهذا العلماء دائما ينبهون. Et انت كذلك, si t'es là et que tu vois quelqu'un qui est sorti de la limite, l'espace limité à Arafat, fa tunabbihu. Tunabbihu annahu rentre dans cet espace. Les anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a démontré anna on doit faire le wukuf fi hadha al-makan. قال وعلى الحاج ان يتحقق ان نزوله في ارض عرفه وذلك بان يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفه. نعم, فهناك ولله الحمد تعلمون ils ont de la inaya بهذه الامور et ils ont limité cet espace de عرفه avec des panneaux etc. فانت quand tu fais le hajj, quand tu vas pour al-mawqif عرفه, tu vas dans cette limitation. Voilà ta khurud. قال لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به. Eh, نعم. Ça, c'est مهم. كذلك, الأفضل عند هذا الوقوف, comme ça يأتي معنا, c'est un moment où tu dois faire الدعاء, des أذكار, etc. السنة, c'est أنك تستقبل القبلة. Que tu sois debout, assis. Quand on dit al-wukuf vi'arafa, comme un abbaha shirun al-adhimin, rahmatullah alayhi, quand on dit al-wukuf vi'arafa, ça ne veut pas dire que tu dois rester forcément debout. Là, tu peux être sur ta monture, tu peux être assis, tu peux être debout. Al-muhim, tu es présent. Lakin al-sunnah, c'est que tu sois tastaqbil al-qibla. Comme le hadith Jabir, radiyallahu anhu, قال, ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. أساس الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة. هذا سنتنبيه مهم. أما ما يفعله بعض الناس أنهم يظن اعتقاد أن في ذلك الموقف أنه سأفضل أو سمن السنة أو سن عبادة de monter sur Al-Jabal, ce qu'ils appellent Jabal al-Rahma, ou Jabal al-Arafa, ou Jabal al-Mawqif. Al-Muhim al-Jabal qui est là. بعض الناس يعتقدون أنه ينفض. Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, dans sa risale, il a cité هذا في المحدثات والبدع. في بدع, le chapitre à la fin, il a cité, تعلمون, Cheikh al-Albani, sa risale, il explique manasik al-Hajj wal-Umra, et à la fin, il cite le bidع. Le bidع. الإحرام بدع الطواف بدع السعي دون بدع عرفة الست هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى والرسائل, قال الصعود على الجبل أو على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة. نعم, لأن العبادة تي أوبليجي دافوغ دليل. قال الله, قال الرسول, اسكو الصحابة يزون في هذا الشيء. فنحن الآن لا دليل, لا من كتاب, لا من سنة, الصحابة إذن طفي هذا الشيء, فسيبا مشروع. قال شمع تيمين, بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة. نعم, سي بانس كسي ميو أو كسي عبادة سين بدعة. أما سي يجو موند يسي رتخوب هناك مثلا يجو موند أو يسي أسي هناك با بس كسي عبادة أو أوتر, سيبا بدعة. لأن البدعة سي لا فيت دو كروار كو سيت شوز سي اون عبادة alors que c'est pas une عبادة, c'est ça le bid'a. نعم, لكن أكثر الناس الآن سو كي فون هذا يزون اون عقيدة, فلهذا تتخوف أن الجبل يمتلي بالناس لأنهم يزون اون عقيدة أنه سميو. بل هناك كما تعلمون زحام اكسيتيرا, اي سا سي الجهل. أما celui qui a la علم il sait que عرفة c'est tout l'espace. Tout l'espace, où que tu sois, t'es considéré être à Arafat. Amma tahri al-jabal, et tu penses que c'est mieux et que c'est une ibada, hala c'est min al-bida' ou al-muhtathat. Qala Cheikh ibn Uthaymeen, qala la yajouz l'insan an ya'taqidahu ibada, wa la an ya'mal bihi ala annahu ibada. Hada al-khulasa. Kadalika, lajna da'ima, ils ont un tanbih, ils ont une fatwa fi hada. Et hada, inshallah, c'est ma'rouf indakou. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه, قال الآن الشيخ الألباني va nous démontrer qu'est-ce qu'on doit faire. الآن هذا c'est un jour important, التاسع من ذي الحجة, c'est un jour important pour le حجاج, لأنه c'est le pilier du حج, C'est le jour, la ibada la plus importante, fil hajj al-wukuf fi arafa. Et c'est un jour important, كذلك pour غير الحجاج. Fali hada shuri'a al-siyam. Yukaffir al-dunub al-sana al-madiya wal-muqbila. Siyam yom arafa. Naam. Fait c'est un jour, muhim. Pour الحجاج, قال شيخ الألباني, ويكثر فيها من التهليل. فإنه خير دعاء خير الدعاء يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم الحديث الصحيح أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة. Donc la meilleure parole que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit et que tous les autres prophètes ils ont dit في عرفة هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتكرر هذا هذا تلغبت لأنه سأفضل كلام في ذلك المكان. قال ولا يزال هكذا ذاكرا دونك سو ذكر اي اوتر ملبيا كذلك التلبية داعيا بما شاء كذلك تكثر من الدعاء. فالوقت il est قصير لأن on va voir que غروب الشمس au مغرب tu dois partir. فتي arrivé après الظهر donc c'est une période courte après الظهر jusqu'au مغرب il y a quelques heures ربما 3 heures او اقل او اكثر قليلا فتجتهد في هذا واياك والجدال اولا انت en état d'ihram t'es محرم et Tu es en train de faire un rukn min arkan islam. Tu n'as pas de temps à perdre. Et c'est un jour où la dua est mustajab. Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans l'ayat al-hadith, il descend au premier ciel, etc. Fajtahid akhi al-karim. Iyak, iyak, wal qil wal qal. Ou al-niqash al-fariq. Ou la. Fait hada al-hal, la haqiqa, tu n'as pas le temps. Fait hada al-hal, tu te mets en direction de Qibla. Tu t'écartes un peu. Si ça te dérange, rubbama kalam al-nas, etc. Et tajtahid. C'est un yawm azim. ربما سين سبب ك الله سبحانه وتعالى يتثبت على الحق يتجد بعض الشوز تلو يدمون اكسترا. قال ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه نعم قال وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. إيه plusieurs حديث dans ce sens أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم أي بهؤلاء المؤمنون qui sont venus et ils ont ce vêtement ils ont la tête découverte et ta'ibou ils sont venus musafirin etc. fa Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bihim al malaika hada c'est un fadl azim fa si Allah subhanahu wa ta'ala tawaffaq de faire partie de hada al jam' alhamdulillah wa ijtahid fi al du'a mas'ala et on finit n'am on cite une ou deux mas'alas avant de finir hal yasum al hajj yawm arafa. Ce jour, c'est un jour, il y a une fadila azima pour faire le siyam. Mais est-ce que le hajj est concerné ? قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه والسنة للواقف في عرفة أن لا يصوم هذا اليوم. السنة, c'est que le hajj, c'est celui qui fait le hajj, qui est عرفة. السنة, c'est qu'il ne fait pas le siyam. السنة, le siyam, في ذلك اليوم, c'est pour ceux qui n'ont pas fait le hajj. والدليل على هذا حديث أم الفضل بنت الحارث في الصحيحين. أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم نعم اختلفوا بعضهم ils ont dit هو صائم أي le prophète صلى الله عليه وسلم بعضهم à l'époque quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait le hajj حجة الوداع quand il était في عرفة بعضهم ils ont dit النبي صلى الله عليه وسلم il est صائم بعضهم قالوا ليس بصائم قال فأرسلت أي أم الفضل إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. النبي صلى الله عليه وسلم il était واقف sur sa monture sur son chameau et il a bu من هذا اللبن pour montrer أنه عليه الصلاة والسلام il est pas صائم. Et c'est ça السنة في حق الحاج. أما غير الحاج فالأفضل سكيفاس الصيام يا فضل عظيم كما الحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. هذا الحديث ليه صحيح مسلم. Une dernière مسألة, هل يشترط الطهارة للوقوف؟ Est-ce que celui qui est واقف في عرفة doit être على طهارة؟ Et s'il n'est pas en état de... Il n'a pas ses ablutions, il n'est pas à la wudu, son wukuf, il est batil. قال الإمام ابن المنذر أو نقل الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه الإجماع على عدم الاشتراط. C'est pas un شرط d'être على wudu. في الموقف. C'est pas une condition. فالسلوي كي واقف et il n'a pas wudu, فسن wukuf, il est صحيح, et son حج, il est صحيح. نعم. Et le dalil على هذا, on l'a cité plusieurs fois في الصحيحين. حديث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يجيب فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. النبي صلى الله عليه وسلم وغابل إلى فيديو عائشة تفت تسك الحاج إذا صف الطواف. لا شك أن الحاج بل سأعظم الأعمال سألوقوف في عرفة. فحتى الحائض حتى النفاس اكسترا الزاسست هذا. نعم. إيه أبختر دلما إن شاء الله. On commence الآن après عرفة الآن il va se diriger direction مزدلفة pour passer la nuit في مزدلفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.